Huitième chapitre. Sentir le bon rythme. Ici, vous allez pouvoir entendre une série de quatre rythmes différents que nous avons déjà utilisés et qui vous permettront d'aller plus loin dans votre découverte du didgeridoo. Tout d'abord, écoutez ces rythmes. Puis reproduisez-les sans le didgeridoo. Et enfin, avec le didgeridoo. Avec un peu de pratique, vous n'aurez aucune difficulté à les jouer à votre tour. Le rythme numéro 1 utilise les techniques que nous avons vues dans la section numéro 1. A, E, I, O, U, breath. A, E, I, O, U, breath. A, E, I, O, U, breath. A, E, I, O, U, breath. A, E, I, O, U, breath. A, E, I, O, U, breath. We, O, wheel, we, O, breath. We, O, wheel, we, O, breath. We, O, wheel, we, O, breath. We, O, wheel, we, O, breath. Le rythme numéro 2 utilise les techniques que nous avons vues dans la section numéro 2. Da da da da da da breath. Da da da da da da breath. Da da da da da da breath. Da da da da da da breath. Do da di breath. Do da di breath. Do da di breath. Do da di breath. Do da di da breath. Took a took a do breath. Di da breath. Took a took a do breath. Di da breath. Took a took a do breath. Di da breath. Took a took a do breath. Le rythme numéro 3 utilise les techniques que nous avons vues dans la section numéro 4. Didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath. Didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, redoidge breath, didgeridoo breath, redoidge breath, didgeridoo breath, redoidge breath, didgeridoo breath, redoidge breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath, didgeridoo breath. Didgeridoo breath, the didgeridoo breath, didgeridoo breath, the didgeridoo breath. Le rythme numéro 4 utilise les techniques que nous avons vues dans les sections 6 et 7. Hee hee breath, ha ha breath, hee hee ha ha ho ho breath, hee hee breath, ha ha breath, hee hee ha ha ho ho breath, hee hee breath, ha ha breath, hee hee ha ha ho ho breath, hee hee breath, ha ha breath, hee hee ha ha ho ho breath, hee hee breath, ha ha wa, hee hee breath, ha ha wa, hee hee breath, ha ha wa, hee hee breath, ha ha wa, hee hee ha ha ho ho breath, hee hee ha ha ho ho wa, hee hee ha ha ho ho breath, hee hee ha ha ho ho wa. Hee hee ha ha ho ho breath, hee hee ha ha ho ho wa. I hope with the help of this CD and a little practice, you will develop enough skill to really enjoy the great experience that is playing the didgeridoo. I'm Ash Dargan, and I'd like to leave you with a short selection of grooves from some of my CDs.